السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Parmi les grandes adorations aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et recommandées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a as-sadaqa. Il y a as-sadaqa, qu'on traduira ici par l'aumône. As-sadaqa, très nombreux sont les versets qui nous encouragent à cette noble action. Également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a de très nombreux ahadiths qui nous vantent les mérites de as-sadaqa. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé dans ses biens, dans sa santé, dans sa religion, jusqu'à atteindre le mois de Ramadan, se voit dans la meilleure occasion de s'adonner à cette adoration. Celui à qui Allah Azza wa Jal a facilité le fait de se retrouver dans le mois de Ramadan, il a la santé, où il a des biens, il a l'islam, voici la meilleure occasion pour dépenser pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire as-sadaqa. Et la personne qui fait des sadaqat se doit d'être sincère. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah seul d'un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. Voici la religion de la droiture. Et la sadaqa étant une adoration, il faut faire attention à cette sincérité. J'attire votre attention sur cela, car beaucoup donnent par habitude, donnent par bienfaisance. Mais il faut donner pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donner pour rechercher une place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que cette sadaqa soit faite en public ou qu'elle soit faite en secrète, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte tant qu'elle est sincère. Il nous dit dans son livre, dans Surat al-Baqara, « In tubudu sadaqati fa ni'immahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khayrun lakum » وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné ici ceux qui font des aumônes, que ce soit en public ou que ce soit caché. La base dans sadaqa, le mieux c'est de la cacher pour que ce soit le plus sincère possible entre toi et Allah. Mais par moment de l'exposer pour être un exemple pour les autres, pour encourager les autres à donner, dans ce cas-là, ça peut être meilleur, comme les savants l'expliquent. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a vanté le mérite de sadaqa, tout comme il a averti contre les mauvaises transactions à l'image de riba. Allah azza wa jal a interdit l'usure, nous a averti contre l'usure et nous a montré les effets néfastes de l'usure. À l'inverse, ou en face de cela, il nous a appelé à sadaqa et nous a montré le mérite de sadaqa. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqara, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Allah détruit l'usure, fait disparaître l'usure, sa bénédiction et son augmentation présumée. Et il élève, il fait s'élever as-sadaqa. Donc Allah Azza wa Jal bénit l'aumône et multiplie les biens de ceux qui font des aumônes et préserve les biens de ceux qui font des aumônes, contrairement à ceux qui font des transactions illicites. Et la portée de ce terme-là, as-sadaqa, est bien plus grande qu'on pourrait le penser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que l'aumône est une cause pour entrer au paradis. Parmi les bienfaits de As-Sadaqa, le fait de dépenser pour Allah subhanahu, le fait d'entrer au paradis. Parmi les bienfaits de dépenser pour Allah azza wa jalla en faisant des sadaqat, l'entrée au paradis. Dans le hadith de Iyad ibn Himar Al-Mujashi'i radiyallahu an, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala dhata yawmin fi khutbati. Ahlul jannati thalatha, dhu sultanin muqsit, mutasaddiqun muwaffaq, wa rajulun rahimun rafiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslim, wa afifun muta'affifun dhu iyal. L'imam Muslim rahimahullahu ta'ala nous mentionne ce hadith. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, a dit un jour dans une khutbah, les gens du paradis sont nombre de trois. Parmi eux, il y a le gouverneur juste et équitable. Le gouverneur juste et équitable qui fait des aumônes, qui fait des aumônes. On lui accorde la réussite dans cela. Deuxièmement, un homme plein de compassion qui a le cœur doux envers chaque proche et musulman. Troisièmement, une personne qui est chaste ou une personne qui ne tend pas la main, qui se retient de demander, une personne qui se retient de demander alors qu'il a des enfants. Il est dans le besoin, il retient sa main alors qu'il est, dans le besoin. Donc, As-Sadaqa a énormément de bienfaits. As-Sadaqa a énormément de bienfaits. Il nous faut étudier les textes au sujet de Sadaqa pour trouver motivation et mettre en pratique cela. Même les pauvres peuvent faire As-Sadaqa. Il ne faut pas penser que la portée du terme sadaqa ne concerne que les riches. En effet, Abu Dharr radiallahu anhu nous dit que des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus le voir et lui ont dit « Ya Rasulallah, dhahaba ahlu d-duthuri bil ujur » Ils sont venus les voir et lui ont dit « Ô messager d'Allah, ahlu d-duthur sont partis avec toutes les récompenses, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent. » Sont partis avec toutes les récompenses. Pourquoi cela ? Yusalluna kama nusalli, ils prient comme nous prions. Wa yasumuna kama nasum, ils jeûnent comme nous jeûnons. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mais ils font des aumônes avec le surplus d'argent qu'ils ont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu. Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun? Allah ne vous a-t-il pas accordé ce avec quoi vous allez pouvoir faire l'aumône? Inna bi kulli tasbihatin sadaqa. En effet, à chaque fois que vous dites Subhanallah, c'est une aumône. Takbir wa kullu takbiratin sadaqa. À chaque fois que vous dites Allahu Akbar, c'est une aumône. Wa kullu tahmidatin sadaqa, à chaque fois que vous dites alhamdulillah, c'est une aumône. Wa kullu tahlilatin sadaqa, la ilaha illallah est une aumône. Wa amrun bil ma'ruf sadaqa, wa nahyun an munkarin sadaqa. Le fait de recommander le bien est une aumône. Proscrire le blâmable est une aumône. Wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Et lorsque l'un d'entre vous assouvit son désir avec la femme, c'est une sadaqa. Jusqu'à la fin du hadith. Donc on voit que la portée du terme sadaqa est plus large qu'on le pense. Et plus large qu'on le pense, plusieurs hadiths sont venus dans ce sens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abu Dharr radiallahu anhu, lorsque il lui a demandé « Ya Rasulallah, ayyul a'mali afdal » Au messager d'Allah, quelle est la meilleure des actions? Après lui avoir dit la foi en Allah, plus loin, il lui dit, تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. Tu préserves les gens de ton mal. En cela, il y aura une aumône de ta part pour toi-même. Celui qui ne nuit pas aux gens et retient son mal afin qu'il ne se répercute pas sur les gens, en cela, il y a une aumône pour lui-même, subhanallah. En cela, il y a une aumône pour sa propre personne. Dans le hadith de Hudhayfa, rapporté par les Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kullu ma'roufin sadaqa » Dans tout bien, dans toute bonne action, il y a une aumône. Il y a une aumône. Toute personne qui fait un bien, ça lui est considéré comme une aumône. Et on ne conditionne pas pour que ce soit une sadaqa le fait de dépenser de l'argent. Dans le hadith de Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Umm al-Mubashir al-Ansariya radiallahu anha, alors qu'elle avait un palmier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man gharasa hada an-nakhl ?» A muslimun am kafir. Donc elle était auprès d'un. Yani, elle est entrée dans un jardin, Umm al-Mubashir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qui est-ce qui a planté ce palmier? Est-ce que c'est un musulman ou c'est un kafir ?» Elle a dit « Bel muslim, c'est plutôt un musulman. »« Faqala la yagrisu muslimun gharsan, wa la yazra'u zar'an, fa ya'kulu minhu insanun, wa la dabatun, wa la shay'un, illa kanat lahu sadaqa. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Il n'y a pas un musulman qui plante une plantation, ou un arbre, ou une culture, ni qui ne sème des graines, et par la suite, l'humain en mange, il mange de ses fruits, des fruits de l'arbre, ou des graines de ce qui aura poussé, tout humain qui en mangera, toute bête qui en mangera, lui sera considéré comme une aumône. Si tu plantes un arbre, et que ça donne des fruits. Chaque oiseau qui viendra manger de ce fruit-là, chaque homme qui cueillera de ce fruit-là, et ainsi de suite, tu en seras récompensé. Tu en seras récompensé. Subhanallah. Donc on voit bien ici que la portée de As-Sadaqa est très vaste. La portée de As-Sadaqa est très vaste. Le musulman doit, dans chaque Mada, dans chaque domaine, essayer d'avoir une part. Et ce sens-là a été mentionné de manière explicite dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik dans le Bukhari Muslim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma min muslimin yaghrisu gharsan ou yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayrun ou insanun ou bahimatun inna illa kana lahu bi sadaqa. » Donc, le sens qu'on vient de mentionner a été mentionné explicitement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes cherchent des gens à qui faire un sadaqa. Et malheureusement, ils oublient de dépenser pour leurs proches. Or, l'aumône faite aux proches est méritoire et a plus de particularité que l'aumône faite à la personne qui ne fait pas partie de ta famille. Et écoutez ce hadith de Abu Mas'ud radiallahu anhu al-Badri, selon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al-muslima idha anfaqa ala ahlihi nafaqa wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa. » Écoutez bien ce hadith. Certes, le musulman, lorsqu'il fait une aumône, lorsqu'il dépense pour sa famille, en espérant la récompense chez Allah, à cette condition-là, en espérant la récompense chez Allah, ça lui est compté comme une sadaqa. Donc il dépense pour sa famille. Et à chaque fois qu'il dépense, il espère la récompense chez Allah. Celui-ci, toute chose qu'il dépense pour sa famille, femme et enfant, ça lui est compté comme une sadaqa. Ou parents même, ça lui est compté comme une sadaqa. À un point tel que le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Tu ne mettras pas une bouchée dans la bouche de ton épouse sans que cela ne te soit compté comme une sadaqa. » Sans que cela ne te soit compté comme une sadaqa. Ainsi, il nous faut craindre Allah Azza wa Jal, mettre nos familles à l'abri du besoin de tendre la main, dépenser pour eux en premier lieu. Puis, par la suite, on dépense pour les proches, on dépense pour les voisins et les gens dans le besoin, qu'ils soient proches, yani, ou éloignés. Ce sur quoi je veux attirer mon attention et la vôtre, c'est le fait de faire des aumônes à la famille, de penser en premier lieu à la famille. Et un cas étonnant qui s'est produit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le cas de Zaynab al-Thaqafiyya. Qui est Zaynab al-Thaqafiyya radiallahu anha? C'est l'épouse d'un des compagnons les plus célèbres et les plus savants, l'épouse de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Radiallahu anhuma. Donc, elle était à la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tasaddaqna. Le prophète sallam a dit aux femmes, faites des aumônes. Walau min huliyikun. Faites des aumônes, ne serait-ce qu'en, yani même si c'est avec vos bijoux, avec vos bracelets, et ainsi de suite. Zainab radiallahu anha dépensait pour son époux Abdullah. Abdullah était pauvre, elle avait des moyens. Elle dépensait pour son époux Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu. Et pour des orphelins qui étaient auprès d'elle. Allahu Akbar. Pour des orphelins qui étaient auprès d'elle. Elle a dit à Abdullah ibn Saoud, demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que moi j'ai la récompense, est-ce que ça m'est valable du fait que je dépense pour toi et je dépense pour mes orphelins qui sont auprès de moi? Est-ce que ça m'est compté comme une sadaqa? Abdullah Mas'ud lui a dit, demande-toi au messager d'Allah. Demande-toi au messager d'Allah. Elle est partie à demander, elle a trouvé une femme parmi les Ansar, à la porte, qui avait également un besoin. Puis, Bilal est passé près de nous. Et elle a posé la question. Elle a posé la question, est-ce que j'ai la récompense de la sadaqa lorsque je dépense pour mon époux et des orphelins auprès de moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Bilal a transmis que Zaynab te pose cette question, il a dit « Ayyu Zayanib » laquelle parmi celles qui s'appellent Zaynab ?« Qal imra'atu Abdillah » C'est l'épouse de Abdullah, c'est-à-dire Ibn Mas'ud. Qala na'am, wa laha ajran. Le prophète sallam a dit oui. Et elle a même deux récompenses. Ajrul qarabati wa ajrul sadaqa. La récompense du fait que c'est un proche à elle et la récompense de l'aumône. Ainsi, même si l'épouse dépense pour son époux, elle a la récompense de la sadaqa. Même si la base, c'est que c'est à l'époux d'entretenir la femme autant que possible. Dans le hadith de l'Miqdad, Az-Zabidi radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma kasaba ar-rajulu » Kasban atyabamin amaliyadi. L'homme n'a pas gagné sa vie par un meilleur travail que de travailler de sa propre main. De travailler de sa propre main. Wama anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahli wa waladi wa khadimi fa huwa sadaqa. Et tout ce que l'homme dépense pour sa propre personne, Allahu Akbar, pour son épouse, pour ses enfants et pour son servant, lui est comptabilisé comme une sadaqa. Allahu Akbar. Tu t'entretiens, tu dépenses pour ta propre personne, c'est une aumône. Allahu Akbar. Rapporté par Ibn Majah, authentifié par Al-Albani dans Sunan Ibn Majah. Donc, que de hadith nous montre la beauté de cette adoration as-sadaqa et le mérite. Sachez que celui qui fait as-sadaqa peut être attaché à son argent. Certaines personnes sont riches, mais ont du mal à faire as-sadaqa. Pourquoi? Parce qu'elles sont très proches de leurs sous, parce qu'elles n'ont pas été éduquées des fois sur as-sadaqa, parce que les parents n'ont pas montré l'exemple, ou parce que les proches n'ont pas montré l'exemple, ou bien il n'a pas grandi dans une sphère où il y avait l'entraide, la générosité. Sachez que l'aumône ne diminue pas votre argent. Sachez que l'aumône ne diminue pas votre argent. En effet, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abu Kabsha, Al-Anmari, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. Le prophète alayhi salat wa salam a donné beaucoup d'importance à ce hadith en disant, il y a trois choses pour lesquelles je vais jurer et vous en informer, mémorisez-les. ما نقص مال عبد من صدقة. Jamais l'argent du serviteur ne diminue en faisant une aumône. Jamais l'argent du serviteur diminue par l'aumône. Et de par la splendeur du hadith, on va le poursuivre. Voilà. ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِهَا عِزًّا وَفَتَحَ عَبْدٌ وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. La deuxième information, après que l'aumône ne diminue pas les biens, il n'y a pas un serviteur qui est opprimé, puis endure sur ce mal, sans que par cela, Allah Azza wa Jal lui ajoute en noblesse et en puissance. Celui qui est opprimé, un shaitan peut lui venir et lui dire, tu es un faible, tu t'es pas défendu, tu aurais pu le parler sur lui, tu aurais pu l'insulter, le frapper, et. Non, s'il endure, et que la sagesse est ici de supporter son mal, Allah Azza wa Jal lui ajoute puissance et noblesse, pas humiliation. Pas humiliation. La troisième information, il n'y a pas un serviteur qui ouvre la porte de la mendicité sans qu'Allah ne lui ouvre la porte de la pauvreté. La porte de la pauvreté. Donc voici un grand hadith. Voici un grand hadith qui nous montre que celui qui fait sadaqa, son argent ne diminue pas. Allah subhanahu wa ta'ala bénit ses biens. Et avec la même somme, ou plutôt avec la, après avoir dépensé, il arrive à faire la même chose ou plus encore que s'il n'avait pas dépensé. Ne dis pas, mais si je dépense ça, je ne pourrais plus faire cela. Non, Allah subhanahu wa ta'ala va bénir tes biens. Et tu pourras faire la même chose ou plus encore. Dans un autre hadith, le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporté par l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. » Jamais une aumône n'a fait diminuer de l'argent. Allahu Akbar. Jamais une aumône n'a fait diminuer de l'argent. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal bénit le reste de son argent. Ainsi, il peut faire pareil ou plus encore. Ou plus encore. Non. Et il fut à d'autres savants donné d'autres explications. Deuxièmement, Allah n'ajoute, suite au pardon de son serviteur, Allah ne lui ajoute que puissance et noblesse. Lorsque le serviteur pardonne à son frère, pardonne à sa sœur, excuse celui qui l'a opprimé ou autre, Allah Azzawajal lui ajoute puissance, lui ajoute noblesse. Troisième information, il n'y a pas une personne qui se montre humble et s'humilie pour Allah sans qu'Allah l'élève. Sans qu'Allah l'élève. Es-sadaqa, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'éducation donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons. Aux compagnons. Et il a tellement éduqué les compagnons sur cela qu'ils se concurrençaient par la suite dans cette action. À un point tel que Aïcha faisait des aumônes immenses en oubliant sa propre personne. En oubliant sa propre personne. Un jour, des compagnons de Mudhar, ils étaient tous de la tribu de Mudhar, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Mundhir ibn Jarir, selon son père, Jarir, radiallahu anhu. Des gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un état de pauvreté extrême. On nous les décrit comme étant pieds nus, comme n'ayant rien pour se couvrir, subhanallah. Lorsque le prophète alayhi salam les a vus, on a reconnu sur son visage la profonde tristesse. Allahu Akbar. Il a été énormément touché de voir des croyants dans cette situation extrême de pauvreté. Et il était celui qui a été décrit par Allah, bil mu'minin raufun rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah décrit le prophète sallam comme étant une personne dont les difficultés subies par les croyants lui pesaient lourd. Il est envers les croyants très miséricordieux. Très miséricordieux. Donc il a eu mal lorsqu'il les a vus ainsi. Puis il a ordonné à Bilal de faire l'adhan. Et l'iqama, il a fait la prière, puis il s'est adressé aux gens. Il s'est adressé aux gens. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah. Aw ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum. Jusqu'à la fin du hadith. Par la suite, un homme est venu et a fait une aumône d'un dinar. D'un dinar. Un deuxième, un dirham. De l'or, de l'argent. Un autre, des vêtements. Un autre, un peu de blé. Un autre, un peu de date. Et ainsi de suite. Même avec la moitié d'une date. Un homme est venu par la suite avec une bourse qui remplissait ses mains. Ou avec Naam qui remplissait ses mains. Et a dépensé, et a donné. Et les gens se sont suivis les uns après les autres. Et ça a commencé à prendre de l'importance et de la valeur. Le compagnon nous dit, Hatta ra'aytu wajha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yatahallalu. Jusqu'à qu'on puisse voir le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'illuminer. Naam, on voyait sur son visage la joie. Puis il a dit, Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghayri an yanqusa min ujurihim shay. Le prophète sallam nous a dit ce célèbre hadith. Celui qui amène, c'est-à-dire qui revivifie une sunna en islam. Parce que ici, la sadaqa, ça fait déjà partie de l'islam. Ce n'est pas une innovation, bien sûr. Il n'y a pas de bonne innovation en islam. toute innovation est haram, est interdite. Donc, celui qui apporte une bonne sunna en islam, c'est-à-dire qui fait revivre, qui rappelle aux autres, il aura la récompense pour lui, ainsi que la récompense de tous ceux qui l'auront pris comme exemple après lui, sans que cela ne diminue en rien les récompenses des autres. Et pareillement, pour le contraire, celui qui ramène une mauvaise chose aura ses péchés, et aura le péché de tous ceux qui l'auront suivi dans cela. Les péchés de tous ceux qui l'auront suivi dans cela. Wallahu al-musta'an. Un des grands bienfaits de l'aumône, c'est que le jour où tu auras besoin de hasanat, le jour où le soleil sera rapproché au-dessus des têtes, le jour où les gens sueront, le jour où les gens auront peur, le jour où les gens seront ressuscités pour comparaître devant Allah, le Seigneur des mondes, à être jugés, le jour où il n'y aura que deux finalités, le paradis ou l'enfer, tu auras besoin de hasanat et tu auras besoin d'être protégé de la chaleur du soleil. Veux-tu que je t'informe et je te rappelle une action qui te plongera sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection? Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli, yawma la dhilla illa dhillu, al-imamu al-adil, wa shabbu nasha fi ibadatillah, wa rajulun qalbu mu'allakun bil masajid, wa rajulan tahabba fillah. اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الإمام البخاري الإمام مسلم nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a sept personnes, sept catégories de personnes, Allah les mettra sous son ombre, c'est-à-dire l'ombre du trône, l'ombre du trône, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci. Le gouverneur juste, le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un homme dont le cœur est rattaché aux mosquées. Deux hommes qui se sont aimés pour Allah, se sont unis pour lui et séparés pour lui. Un homme qu'une femme de haut rang et d'une grande beauté a invité au péché, il lui a dit « j'ai peur d'Allah ». Un homme qui a fait une aumône en la cachant tellement que sa main gauche n'a pas su ce que sa main droite a donné. Il fait une sadaqa avec une sincérité extrême, à un point tel que l'autre main n'a pas su ce que la main a donné. Et pour finir, un homme qui a mentionné Allah en aparté, en privé, jusqu'à ce que ses yeux débordèrent de larmes. Donc voici un grand hadith qui nous montre le mérite de As-Sadaqa, le fait d'être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. Nous avons tous des péchés. Nous jeûnons Ramadan, nous prions la nuit, nous cherchons à nous rapprocher d'Allah pour qu'il nous pardonne nos péchés. As-Sadaqa est une cause pour qu'on te pardonne tes péchés. As-Sadaqa est une cause pour qu'on te pardonne tes péchés. Dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur la meilleure des œuvres, yani sur l'œuvre qui fait entrer au paradis et qui sauve de l'enfer, il a dit, tu as questionné sur une grande chose, mais c'est facile pour celui à qui Allah aura facilité. Tu adores Allah sans jamais rien lui associer, tu accomplis la prière, tu t'acquittes de la zakat, tu jeûnes Ramadan. Tu accomplis le pèlerinage. Ne vais-je pas t'informer de ce qui va te permettre de diriger tout cela? Ou plutôt, je corrige, ne vais-je pas t'indiquer les portes du bien? Le jeûne, c'est un bouclier. Wa sadaqatu tutfi'u al-khati'a kama yutfi'u al-ma'u an-nar. Et l'aumône éteint la faute comme l'eau éteint le feu. Et la prière de l'homme dans, en plein milieu de la nuit. Puis il a resté le verset. Donc l'aumône éteint la faute, efface la faute. Ça enlève la colère d'Allah, ça enlève la punition, ça enlève les effets des péchés. Ça enlève les effets des péchés. Et un hadith sublime, le hadith d'Abu Huraira, qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Malgré cela, il n'est pas connu auprès de tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: لا يتصدق أحد بتمرة بكسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحد كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas une personne qui donne en aumône une date émanant d'argent licite. La condition, il faut que son argent soit halal. Une date émanant d'argent licite, provenant de d'argent halal. Toute personne qui fait une aumône avec une date, na'am, provenant d'argent licite, Allah Azza wa Jal, donc sans qu'Allah ne la prenne, avec sa main droite, il l'élève et lui fait prendre de la valeur. Lui fait prendre de la valeur. Tout comme l'un d'entre vous élève son poulain. Tout comme l'un d'entre vous élève son poulain. Ou le petit de la chamelle. Ou le petit de la chamelle, jusqu'à ce que sa récompense soit semblable à une montagne ou plus encore. À la base, c'était une date. Allah Azza wa Jal t'élève tout cela, t'immensifie tout cela jusqu'à ce que la hasanat soit l'image de la montagne de hasanat. Ou plus encore, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Ne néglige rien comme bonne action. Ne dis pas, mais moi j'ai pas beaucoup, je vais pas donner une date quand même. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit: taqin nar walaw bi shiqqi tamra. Prémunis-toi du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. Wallahi, avec un euro, tu ne peux pas imaginer la joie que tu peux faire entrer dans le cœur des gens, bi'idhnillahi azza wa jal. Comme beaucoup d'entre vous, vous avez participé, jazakumullahu khayran, nous avons entrepris le projet, par l'aide et l'assistance d'Allah Azza wa Jal, de nourrir des gens dans le besoin au Mali et en Mauritanie. Nous avons commencé. Et hier, en Mauritanie, plus de 250 personnes ont pu avoir un repas. Plus de 250 personnes ont pu avoir un repas. Parmi eux, il y a des orphelins. Parmi eux, il y a des pauvres. Parmi eux, il y a des muhajiroun, des muhajirat. Certains ont donné en aumône 2 euros. Avec 2 euros, ça a nourri une ou deux personnes, subhanallah. Et on a acheminé de l'argent également au Mali. Et demain, inshallah, au Niger. Tout cela par la grâce d'Allah Azza wa Jal, uniquement. Et on demande à Allah Azza wa Jal de récompenser par le plus haut degré du paradis, de plonger sous l'ombre de son trône le jour de la résurrection toute personne qui aura participé à cela. Et pour une meilleure communication, inshallah ta'ala, demain le groupe Telegram sera ouvert et il aura l'appellation de Muhsinoun. Il aura l'appellation de Muhsinoun et je mettrai Mahda et les frères qui m'aident, jazakumullah khairan, postera le fruit de votre travail. Le fruit de votre travail, na'am, donc vous pourrez visualiser, inshallah, le bien que vous faites, jazakumullahu khayra. Une des meilleures sadaqas, c'est l'eau. C'est l'eau. Le fait de faire un puits, c'est une sadaqa jariya. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il y en a deux qui sont en cours, ainsi que un fourrage. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala élever en degré la maman de notre frère Tawfiq, que celle qui a fait le puits et le fourrage, qu'Allah Azza wa Jal la guérisse, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'élève en degré, lui pardonne et lui accorde une grande place au paradis et lui accorde la guérison. Et pareillement pour tous les donateurs, jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. On a également commencé une base de données de gens dans le besoin, que ce soit en région parisienne ou, il y en a plutôt, en région parisienne. Et oui, les frères ont commencé la distribution par famille, jazakumullahu khayran. Tout ça pour vous dire que la porte de Sadaqa est grande ouverte. Et si vous ne connaissez pas et vous ne savez pas où, nous nous connaissons et nous savons où. Jazakumullahu khayran. Ô combien est grande cette provision vers l'acheminement, pour l'acheminement vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Poursuivons la mention de ces nobles ahadiths. Donc, sadaqa éteint ou efface la faute, enlève la colère, prémunit du feu de l'enfer. Naam, prémunit du feu de l'enfer. Allah Azza wa Jal immensifie cette hasana et te l'accorde comme une montagne de hasana. Et j'attire votre attention sur un point, c'est que certains sont dans le besoin, mais ils ne sont pas connus parce qu'ils ne tendent pas la main. Ils se préservent et demandent que Allah Azza wa Jal. Mais nous, notre devoir, c'est de chercher à connaître ces gens-là. C'est de s'enquérir de la situation des musulmans, des musulmanes. Il y a des signes, il y a des indices qui permettent de savoir le besoin. Regardez la situation de la personne, si elle travaille, si elle ne travaille pas, si elle est mariée, n'est pas mariée, si elle est veuve ou non, et ainsi de suite. On recherche. On pose des questions, on demande à l'entourage. On demande à l'entourage, il ne faut pas rester assis et dire « Ah, je ne connais pas, je ne fais pas ». Non, tu veux aller au degré du paradis, tu dois chercher à aider tes frères et sœurs. Jazakumullahu khayran. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Laysa al-miskinu bihada al-tawwaf alladhi yatoufu ala al-nas. » Le pauvre n'est pas celui qui tourne auprès des gens. Il se suffit, ou bien le repousse ne serait-ce que de lui donner une ou deux bouchées, ou tamratu ou tamratan, ou une ou deux dates. Qala, fama al miskin. Ils lui ont dit, alors c'est qui le miskin? C'est qui le pauvre? Ya Rasulallah. Il a répondu, alladhi la yajidu ghinan yughni, wa la yuftanu lahu. C'est celui qui ne trouve pas de quoi combler ses besoins. Et on ne pense pas à lui. On ne le remarque pas. Subhanallah, tellement il ne demande pas, on ne le remarque pas. Fayutasaddaqu alayh, pour pouvoir dépenser pour lui, lui faire l'aumône. On ne le remarque même pas. Wa la yas'alu an-nasa shay'a. Et il ne demande rien à personne. Subhanallah. Il ne demande rien à personne. Ce hadith dans le Bukhari Muslim. Mais nous, si on cherche la récompense chez Allah Azza wa Jal, on doit chercher qui sont ces gens-là. Et au moment de donner, ikhwan al-kiram, il y a un comportement à avoir. Il faut préserver l'honneur de ces gens-là. Il faut les traiter comme on aurait aimé être traités. Il ne faut pas les mettre dans la gêne. Il ne faut pas les pousser à demander. Il faut leur demander, les mettre à l'abri du besoin sans qu'ils aient à demander eux. Et il faut leur donner en étant fiers de donner, mais sans les mettre dans la gêne. Et leur donner comme si c'est eux qui nous faisaient un bien. Pas comme si c'est nous qui leur faisions du bien. Et l'imam al-Sha'bi rahimahullah ta'ala a une belle parole dans ce sens-là. Il dit, man lam yara nafsahu ila thawabi sadaqati ahwaja min al-faqir ila sadaqati faqad abtala sadaqata wa daraba biha wajha. Écoutez bien cette parole-là. L'imam al-Sha'bi rahimahullah dit, celui qui ne se voit pas plus besogneux de faire un sadaqa pour avoir la récompense, celui qui ne se voit pas face à les récompenses, encore plus dans le besoin, que le pauvre a besoin de son aumône, alors il a annulé son aumône. Et elle lui sera jetée au visage. Je répète, toi quand tu fais sadaqa, Comment est-ce que tu dois percevoir cette situation? Ne te vois pas toi grand et le pauvre petit devant toi, non. Tu dois voir que c'est toi le miskin face à la récompense d'Allah. Encore plus que le pauvre a besoin de ce que tu vas lui donner. Et si tu ne vois pas la situation comme ça, l'imam al-Sha'bi te dit, tu as annulé ton aumône, elle te sera jetée au visage. Allahu Akbar. Yahya ibn Mu'adh, rahimahullahu ta'ala, disait, je connais qu'une seule graine dans ce bas monde qui est plus grande que les montagnes. C'est la graine de la sadaqa. C'est la petite chose donnée en sadaqa. Allah Azza wa Jalla la rend immense comme des montagnes, ou plus encore. Ou plus encore. Sachez qu'au paradis, il y a une porte pour ceux qui font as-sadaqat. Pour ceux qui donnent as-sadaqat. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit dans le hadith d'Abi Huraira que les gens de la prière seront appelés par la porte de la salat. Et il nous dit qu'il y a une porte qui s'appelle Rayyan, c'est la porte pour les jeûneurs. Et il nous dit وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَفْوَانْ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. Et celui qui faisait partie de ceux qui donnaient des aumônes sera appelé par la porte de l'aumône. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a dit au message Allah, est-ce possible qu'une personne soit appelée par toutes ses portes? Rasulallah lui a dit oui, et j'espère que tu en feras partie. J'espère que tu en feras partie. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Chaque jour, Allah Azza wa Jal nous permet de jouir de nos membres, d'avoir la santé pour la plupart d'entre nous. Ben, sachez qu'en reconnaissance, on doit faire une aumône pour chaque membre, chaque os que nous avons. Naam. Et le prophète alayhi salat wa salam nous dit dans le hadith d'Abu Dharr radiallahu an, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqa. Chaque jour, l'âme doit faire une aumône pour chacun de ses os. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque tu dis subhanallah, ou bien alhamdulillah, ou bien la ilaha illallah, ou bien Allahu Akbar, ou tu recommandes le bien, ou tu interdis un mal, tout cela est une sadaqa. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. Écoute ce trésor. Et s'il fait deux unités de prière le matin, la prière de Dhuha, alors ça remboursera tout cela. Toutes les sadaqat que tu dois faire pour chacun de tes membres, de tes os, na'am, de tes os plutôt, ben si tu fais deux rak'a le matin, ça rembourse tout cela. Et ça couvre tout cela. Donc, sadaqa, ça vient en reconnaissance pour Allah subhanahu, yani face au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salat wa salam, ne repoussait jamais un pauvre. Dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, des gens parmi les Ansar ont demandé au prophète, alayhi salam, il leur a donné. Une autre fois, ils lui ont demandé, il leur a donné. À un point tel que il ne lui restait plus rien. Quand ils sont revenus, il leur a dit, je n'ai rien thésaurisé, j'en ai rien gardé de côté. Tout ce que j'avais, je l'ai donné. Mais, je vais vous enseigner une chose. Man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yasbir yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun min ata'in khayrun aw awsa'u min as-sabr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit, mais sachez que celui qui se préserve, Allah le préserve. Celui qui ne tend pas la main, Allah le met à l'abri du besoin. Celui qui tente de se préserver, Allah le préserve. Et celui qui tente d'être à l'abri du besoin, Allah le met à l'abri du besoin. Et celui qui s'efforce d'endurer, Allah Azza wa Jalla lui accorde l'endurance. et on n'a pas accordé à une personne meilleur et plus vaste don que l'endurance. Que l'endurance. Le prophète, alayhi salat wa salam, voyait sa vie dans ce bas monde comme un lieu de passage. Un jour, il a dit à Abu Dharr, radiallahu anhu, qui marchait avec lui, « Ya Abu Dharr, ils ont vu la montagne de Uhud et il la regardait. Il lui a dit, « Oh Abu Dharr, il lui a répondu, « Abayka ya Rasulallah, je réponds à ton appel avec amour au message d'Allah. « Qala ma uhibbu anna Uhudan dhaka mi'indi dhahabun amsa thalithatan indi minhu dinarun illa dinaran arsuduhu libdaynin illa an akula bihi fi ibadillah hakada wa hakada. » يعني يمينا ويسارا ينفق. Le prophète a regardé la montagne de Uhud et a dit à Abu Dharr, si la montagne de Uhud avait été en or, je n'aurais pas aimé atteindre le soir sans l'avoir dépensé fi sabilillah. Exception faite de ce que je garderais pour Mada, pour m'acquitter de dette, pour m'acquitter de dette. J'aurais aimé faire comme ceci et comme cela, c'est-à-dire dépenser pour les gens. Donner à droite et donner à gauche. Il ne faut pas faire comme certains diront. لو أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. Allah Azza wa Jal nous parle dans le Coran, dans Surat al-Munafiqin, que des gens arriveront au moment de mourir et diront, oh Allah, si tu m'avais laissé du temps, j'aurais fait des aumônes. Et le Prophète sallam nous parle de ces gens-là également. Sur leur lit de mort, ils vont dire ceci, donnez-leur un tel, ceci, donnez-leur un tel. Maintenant, il dit ça, mais maintenant, c'est déjà un tel. Il dit, tu t'apprêtes à quitter ce bas monde. Non, la sadaqa, le mieux, tu l'as fait lorsque tu es en bonne santé. Tu le fais que lorsque tu es en bonne santé, que tu aimes ton argent, tu le donnes pour Allah. Le Allah dit dans le Coran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez pas l'excellence, la piété, tant que vous ne donnerez pas de ce que vous aimez. Abu Talha, radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu ce hadith, est parti trouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, ô messager d'Allah, Allah a dit ce verset dans le Coran, et moi la richesse que j'aime le plus c'est mon jardin. Il y avait des palmiers, il y avait un ruisseau ou des choses comme cela, il lui a dit c'est ce que j'aime le plus. Et je le donne pour Allah, je le donne pour Allah. C'est ainsi qu'ils étaient, subhanallah. Imagine tu vas faire des courses et tu achètes des choses que tu aimes le plus et tu les mets de côté. En chemin, tu penses à ton voisin. En chemin, tu penses aux parents, aux enfants, ou aux proches, aux frères, aux sœurs, et ainsi de suite. Tu te dis, ça c'est ce que j'aime le plus, ben je vais le donner pour Allah. C'est de ça qu'il s'agit. Pas donner ce que tu n'aurais pas aimé qu'on te donne, ou donner les restes, non. Mais tu donnes ce que tu aimes le plus. Tu penses à tes frères, tu penses à tes sœurs, tu te dis, ah j'aime trop cela, j'aime beaucoup cela plutôt. Ben, je vais le donner pour Allah Azza wa Jal. Je vais le donner pour Allah Azza wa Jal. Il y a beaucoup d'autres hadiths et beaucoup de mérites de sadaqa. Par exemple, c'est une cause pour soigner ses malades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Da'u mardakum bi sadaqa. » Soignez vos malades avec la sadaqa. Tu fais des aumônes avec l'intention qu'Allah Azza wa Jal guérisse ton malade. Avec l'intention qu'Allah Azza wa Jal guérisse ton malade. Et parmi les premières paroles du prophète, alayhi salatu wa salam, arrivé à Médine, oh vous les gens, at'imu ta'am, nourrissez. Na'am, priez la nuit alors que les gens dorment. Prononcez de bonnes paroles, priez la nuit alors que les gens dorment et nourrissez les gens. Vous entrerez au paradis en paix. En paix. Parmi les caractéristiques des serviteurs du Tout Miséricordieux, donc Surat al-Furqan, na'am, ils dépensent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les mérites, c'est que chaque jour, il y a deux anges. Il y a deux anges qui font dua. Dans le Bukhari muslim, min yusbihu bin Adam fi illa malakan yanzilan. Deux anges descendent. Et ils disent, le premier dit, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Oh Allah, donne à celui qui dépense et remplace-lui tout ce qu'il a donné. Le deuxième dit, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Oh Allah, détruis celui qui garde ses biens. Et Ali, il dépense pas, détruis ses biens. Donc les anges font dua. Si tu fais partie de ceux qui font ça, d'accord, l'ange fait dua pour toi. Si tu fais partie des avares, l'ange fait dua contre toi. Contre toi. Et sadaqa, c'est une preuve de la véracité de ta foi. Dans Sahih Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, wa sadaqatu burhan. Et sadaqa, c'est une preuve. C'est une preuve de la véracité de la foi parce qu'il a dépensé ce qu'il aime pour celui qu'il a aimé par-dessus tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Et sadaqa, ça repousse les problèmes dans ce bas monde. Ça repousse les épreuves, la difficulté, la tristesse, les soucis, l'affliction. Dans les recommandations de Yahya alayhi salam à Banu Israël, on trouve « Amurukum bi sadaqa ». Je vous ordonne l'aumône. L'aumône est semblable à un homme qui avait à ses trousses l'ennemi. Ils l'ont attrapé, ils l'ont enchaîné, ils ont attaché ses mains autour de son cou et ils l'ont amené pour l'exécuter. C'est alors qu'il dit « Je vous donne en rançon » tel et tel bien, et ils l'ont libéré. Ils l'ont libéré. Donc lorsque tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala te délivre de tes problèmes. Te délivre de tes problèmes. Et sache que lorsqu'on te fait un bien, il te faut toi être reconnaissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'on te fait un bien, et que tu dis à ton frère, « Jazakallahu khayran », tu lui auras fait des éloges au plus haut point. Donc si on vous fait du bien, la base c'est le hadith du prophète, « Man sana alaykum ilaykum ma'roufan fakafi'u ». Celui qui vous fait un bien, dédommagez-le. Ça c'est un comportement à avoir. Donnez-lui quelque chose. Mais « illam tadidu ma tukafi'u nahubi », si vous ne trouvez pas de quoi le dédommager, « fad'oula », faites dua pour lui. « Hatta taraun annakum qad kafa'tumu », jusqu'à ce que vous considériez que vous l'avez dédommagé. Donc tu fais dua pour lui. Le prophète dit la meilleure dua, c'est de dire Jazakallahu khayran. Puisse Allah te rétribuer en bien. Et ne dis pas alfa khayr ou ne dis pas de chiffres parce que Jazakallahu khayran, ça comprend tout le bien au plus haut point, Allah lui donnera. Mais si toi tu restreins ce bien avec un chiffre, ben ta dua aura été moins conséquente. Ta dua aura été moins conséquente. Barakallahu fikum. Et pour finir, on revient au hadith, ou plutôt au fait de commencer par les proches, les parents, les enfants, la femme, les voisins et ainsi de suite, les liens de parenté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé un dinar qui était dépensé pour telle ou telle chose, et ce qui allait être dépensé pour la famille. Ben, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dépense, yani le meilleur dinar, c'est celui qu'il dépense pour sa famille. Celui qu'il dépense pour sa famille. Et Ummu Salama, radiallahu anha, a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce que j'aurai une récompense si je dépense de mes biens pour les enfants de Abu Salama? Je n'ai nullement l'intention de les laisser mendier, car ils sont tout de même mes enfants. Le prophète m'a répondu, tu auras la récompense de tout ce que tu dépenses pour eux. Tu auras la récompense de tout ce que tu dépenses pour eux. Elle a posé la question après la mort de Abu Salama. Radiallahu anha. Et c'était devenu l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La responsabilité des enfants à Abu Salama ne lui incombe pas directement à elle. Mais malgré ça, si elle fait cela, elle aura une grande récompense. Elle aura une grande récompense. Pour finir, deux catégories de personnes. Ou trois catégories de personnes, on s'encourage mutuellement à dépenser pour eux. La première catégorie, c'est la veuve. La deuxième catégorie, l'orphelin. Et la troisième, les pauvres. Le prophète alayhi salat wa salam dit, moi et ceux qui dépensent pour la veuve et l'orphelin, nous serons comme ces deux doigts de la main au paradis. Il a montré entre eux, il a joint entre l'index et le majeur. Entre l'index et le majeur. Donc il faut dépenser pour ceux qui sont le plus dans le besoin. La femme veuve, elle n'a plus son époux pour s'occuper d'elle. Elle a probablement plus d'hommes dans sa famille. Ou eux-mêmes sont préoccupés par leur propre famille. Toi, tu viens, tu as de la pitié, de la miséricorde pour cette femme-là, Allah Azza wa Jalla va t'aider. Celle qui a des enfants, pareillement. Et toute personne qui est dans le besoin de manière générale. Aïcha radiallahu anha a reçu la visite d'une femme qui avait deux enfants. Elle était dans le besoin. Aïcha a trouvé deux dates, elle les lui a données. Elle a fait ça, d'accord. Allahu Akbar. Cette femme-là, où elle lui a donné trois dates, deux ou trois dates. Elle a donné une date à chaque enfant. Elle a gardé la troisième date pour elle. Lorsque les enfants ont fini leur date, se sont tournés vers leur mère. Elle a coupé la date et leur a donné, elle n'a rien pris pour elle. Aïcha s'est étonnée de son action, l'a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par l'action de cette femme-là et nous a enseigné que c'est une cause pour être préservé du feu de l'enfer. C'est une cause pour être préservé du feu de l'enfer. Cherchez ce hadith en ces termes. Cherchez ce hadith, lisez-le et méditez-le. Et si l'aumône donnait un chien à préserver une femme qui était une prostituée auparavant, Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés parce qu'elle a donné à boire à un chien. Que dire alors de celui qui donne pour les croyants, pour celui qui a de la pitié, de la compassion pour les croyants? Donc ayez de la miséricorde et de la pitié envers vos frères, vos sœurs, les enfants qui sont dans la pauvreté, dépensez pour eux, particulièrement dans le mois de Ramadan. Jazakum Allahu khayran, waffaqan Allahu ayyakum lima yuhibbuhu wa yarda. الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. Ceux qui ont de la pitié, le tout miséricordieux aura pitié d'eux. Ayez de la pitié envers ceux qui sont sur la terre. Celui qui est au-dessus des cieux aura de la pitié envers vous. من لا يرحم لا يرحم. Celui qui n'a pas pitié des gens, Allah n'aura pas pitié de lui. Celui qui n'a pas pitié des gens, Allah n'aura pas pitié de lui. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم أعنا على ذكرك شكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك شكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا يا رب العالمين، يا عفو يا غفور يا غفار اغفر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.